Je veux pas me réveiller, je veux dormir. J'aime me réveiller, toujours dormir. Pas avoir à penser, juste rêver et dormir. Mais mon cadran sonne, quel martyr. Je me lève, m'étire, bye, ma vie. Mes plumes, mon argent, mon pistolet. Oublie la fille à mon lit qu'à soir, je pistonnais. Prends un grand verre de lait, des biscuits, pis je pars voir les homies. Et 2h30, je me sens mal. Le stress me mange comme une bioche. Mais si quelqu'un t'est, je le fuck, fuck, fuck. Sans remords, à mon corps vit. Mais mon cœur est mort, tout comme mes rêves et mes espoirs. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Allez, lève-toi, j'ai dit. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Arawa, vas-y, lève-toi, cousin. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il fait? Je suis là, je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Mais oui, je connais le bien et le mal. Le bien reste sur Mont-Royal, à Montréal. Le mal, lui, appartenait à Bordeaux. Égal milieu incarcéral, mais je m'en fous. Système me rend fou, je t'avoue, je suis prêt à rentrer en dedans. Pour 25 ans, 35 ans, n'importe quand. Faire des crimes violents, tant et aussi longtemps que les gens me donnent mes respects. C'est ce qui est important, l'épée. Pourtant, je connais le bien et le mal. La parole de Dieu et celle du diable. Je préfère celle de Dieu, mais c'est pas normal. La récession fait trop mal, système scolaire trop banal. Les taxes sont trop high, pas que je m'en fous, chiche, die, bye. Mes valeurs spirituelles me sont attirées par la réalité de subsister. Manger et aimer 1998, quelle année, bonne année. Je vous souhaite bonne année à tous et bonne chance dans votre travail. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Allez, vas-y, lève-toi, je suis là. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Aïe, aïe, aide-moi, le mec, je suis là. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Vas-y, vas-y, appelle cousin, ouvre la télé. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Tire un coup de feu par la fenêtre. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Dieu, je peux pas te mentir. J'aime pas comment je vis, mais ici c'est pas le paradis. Personne t'en blanc avec des ailes. Elle monte en noir avec des fusils. Pis si, je suis pas le premier à tirer, moi t'es le premier à tomber. Enfin, je garde mon âme sur moi, toujours prête à me protéger. Parce que j'aime papa, maman. Pis ils veulent pas que leur enfant meure avant qu'il soit mort. J'ai peut-être tort, mais en 9-8. Y'en a des kids avec des 38 qui sont prêts à tirer pour une histoire de fille ou une paire de souliers. J'ai honte, mais c'est ma ta. Notre réalité. 98 à 99, de Montréal à New York, de California à Newport. La violence l'emporte, Dieu change-moi avant que la violence m'emporte. Dieu, la violence cogne à ma porte. Bonk. Bonk. You know what I mean? You know what I mean? Yeah. Young man. You understand the way we live, you know what I mean? Trevor. Represent from all angles. Keep talking, we tangle. No. I ain't tryna Montreal betray somebody I ain't, you know what I mean? Hot water back and we talk French over here. Double S brothers. Make sure I can walk the walk and talk the talk. Longue. I represent for where I'm from. Cahine. Longue, you know me, I'm just trying to make it happen. Respect, respect. Mighty T, I understand. Whatever, JC. Still a stressful world out there. CSB. Peace to all the causes, really. KC. Get locked up in the belly of the beast. Queen. 4187 sister. Cause that's where society has brought Kaylin. You to, you know what I mean? One love Jason. For my set. You know we keep Jonathan. Do or die.